soleil, Caroline. Oh, le soleil, mandarine. À toi de me dire si tu veux qu'il arrive avec un foulard, sa guitare, un dollar, un milliard. D'avoir un peu d'espoir dans l'aérogare d'Amérique à 8 heures de ton cœur. Fine, let the sun shine. Dis, quel temps fait-il à Paris? Même s'il pleut sur Boston, je crois te voir. Caroline, en Caroline. Oh, le soleil, Caroline. Oh, le soleil, imagine. Une histoire d'amour qu'on ne lira jamais dans les magazines, dans ta ville, à Boston ou ailleurs.